Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Yahweh longo linga na boloko ya mungu nananga na kinanga. Yahweh longo linga na boloko ya bangu nananga na kinanga. Yerushalem, Yerushalem. Maranatha, Maranatha, Jerusalem, Jerusalem, Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha, Ushipende Eko igwe Eko igwe Eko igwe Mubuloji Mumateso Mumangaiko Eko igwe Mumagonjwa Mumanyumba Mumateso Igwe Mufuraha Mumajabu Mumatunzo Eko igwe Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way to away. Inquella way Jiwekesha na shamu imba misambu na shamu luata kabelo sha wendela mu machine na shamu luata sipe na shamu luata bazen na sha ucha bilenga kumpa na kwa muka lenga kakutubaka lenga bakwa Jiwekesha urishushe urishushe urishushe hata uko na kuria mzuri hata uko natembesha motoka hata unayenga manyumba hata unavala sipere hata unaweka kabelo kumbele ya huyu Mungu hakuna Mungu mwingine Jiwekesha Jiwekesha Jiwekesha Jiwekesha Aïe. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Aucun mot n'est assez grand pour décrire sa sainteté. Amen. Devant ton trône, Père, je dépose mes fardeaux et j'élève mes mains en signe d'amour. En signe de reconnaissance, en signe d'adoration. Sois exalté, Père. Ta majesté remplit les cieux et la terre chante ta gloire. Tu es le seul à être adoré. Tu es le seul qui mérite d'être adoré. Je t'adore ce matin, Père, pour ton amour. Je t'adore ce matin pour l'œuvre de la croix. Je t'adore ce matin pour la vie que tu m'as accordée. Je n'as point de roi, tu n'as point de maître, égal à toi n'existe pas, celui qui est comparé à toi n'existe pas. C'est pourquoi je viens ce matin, Père, t'adorer pour tout ce que tu fais. Bien-aimés, nous voulons adorer ce Dieu merveilleux. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Regarde tout ce qu'il a fait autour de toi. Tu mérites notre adoration. J'aimerais que tu élèves ce Dieu. Alléluia, Jésus. Que tu prennes la position qui te convient. Que tu prennes la position qu'il te faut pour mieux l'adorer, pour mieux l'élever. Car il est le seul qui le mérite. Ce matin, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Allez. Oui, c'est un dimanche. Tu as acclamé pour toi-même. La bonne dimanche le réseau pique à Mikono quoi Julia comment. Pour ce que tu es arrivé dans le temple. Maintenant nous voulons acclamer le roi. Ça c'est ton appel donc Shangilia Mufal. Le roi qui nous a conviés ce matin. Mungu akoi asubui. Le roi qui nous a appelés ce matin. La roi sakukui tayi asubui. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, choisis deux, trois personnes, partage la joie. Dis, je ne sais pas par quoi tu traverses, mais Dieu si est avec toi. Dieu est avec toi. Salue-le, salue-le, saluons-nous. Partageons la joie. Dis-lui, tu n'es pas seul. Je sais que Dieu est avec toi. Moi, je sais que Dieu est avec toi. Moi, je fais confiance au Seigneur. Dieu est avec toi. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et si Dieu est avec nous, bien aimé, nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi nous voulons le louer. Le Dieu que nous servons, il est juste pour nous délivrer. C'est pourquoi j'aimerais qu'on le loue. C'est lui le vrai Dieu. Bien aimé, encourage celui qui est à côté de toi. Nous voulons louer le Dieu. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de cette église. Nous voulons le louer. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à tout. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Bien-aimé ce matin, j'aimerais que tu dises un mot au Seigneur. L'Éternel est bon. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Mais j'aimerais que ton cœur se tourne ce matin vers Dieu. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que le roi. Nous n'avons que notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un avant d'écouter la parole. Bien-aimé, Dieu est Dieu dans toutes circonstances. Nous avons un bon Dieu. Si l'Éternel ne nous a pas protégés, si l'Éternel ne nous a pas précédés dans les situations de la vie, qu'est-ce que nous serions en train de dire aujourd'hui? Nous avons à dire au Seigneur. Même notre silence va lui parler ce matin. Parle à ton Dieu. Prends la position qui te convient. J'aimerais te permettre d'adorer le Seigneur. Même si tu n'as plus de raison, trouve quelque chose. Va ramasser même dans ton passé. Dis-lui quelque chose. Commence à parler au Seigneur. Parle à ton Dieu. Oh, merci, Saint-Esprit. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Merci, Saint-Esprit. La la la la la la la la. Oh. Oh, moi je n'ai ceux qui croient en toi. Nous voulons trouver une foi. Nous voulons trouver quelque chose afin de rencontrer ta bonté. Dieu en passe. Dieu en passe. Moi je n'ai. Si tu m'enlèves, moi je n'aurai rien sans lui. Je n'aurai rien sans lui. Les hommes peuvent te prendre la richesse. Les hommes peuvent te prendre plus grand que tu as. Mais sans lui, tu n'auras rien. Sans lui, sans le Seigneur, tu n'es rien. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il n'a que Jésus? Il n'aura que Jésus. Il n'aura que Jésus. Le Dieu qui a accepté de verser son sang pour toi. Le Dieu qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux le faire? Moi, je n'ai que toi. Oh, si tu me l'enlèves, moi, je n'aurai rien sans lui. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut dire? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut dire? Je n'aurai rien sans toi. Thank you, Lord. Il n'y a que mon cœur pour t'adorer. Il n'y a que mon cœur pour t'exalter. Il n'y a que mon être pour t'adorer. Il n'y a que mon être pour t'exalter. Il n'y a que les hommes qui m'ont dit. Moi sur la terre des hommes, je ne crois que lui. Moi je n'aurai ce matin. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Merci Saint-Esprit. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Merci Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Moi je n'ai, moi je n'ai. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves. Oh merci. Je n'aurai rien sans toi. Sois élevé ce matin. Sur la terre des hommes, je ne crois pas. Oh merci. Je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, si tu m'enlèves, je n'en oh merci Seigneur. Je n'ai que toi. La, la, la, la, la. Oh merci Seigneur. Oh merci. Bibo soya kiti nayo na ego sopa ote mana nayo Bibo soya kiti nayo to ego sopa ote mana. Ah, ta makala belona mo. Oh merci Seigneur. Yonde yonde yonde yonde oyonga na luka uta makala belona mo. Oh merci Seigneur. Pour ma soumo na gai, pour ma soumo wili di singa, etiwa ayemase. Oh merci. Pour ma soumo wili singa, etiwa. Malasi, Malasi nanga ya moyo, Malasi, Malasi nanga ya moyo, Malasi. Matunzo etu Wenjo faraja etu Yesu Wenjo baraka etu Yesu Kulamuka kwetu shie Kutembea kwetu shie Tunakupenda Yesu. Alleluia. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous n'avons personne d'autre. Même sur le chemin de non-retour, tout ce que nous savons, tu es avec nous. Et cela nous rassure. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. Tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen ce matin. Un amen qui bénit le ciel. Un amen qui bénit ton voisin. Amina ikona bariki jirani wako. Un amen qui bénit notre papa. Amina ikona bariki mzazi wetu. Un amen qui bénit notre maman. Amina yetu ikona bariki mama yetu. Un amen qui nous bénit. Amina ambayo ikona tubariki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Naweza kushangilia Bwana. Gloire à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous disons merci à notre papa de nous avoir cédé la chair. Nous disons merci aux anciens, à tous les serviteurs de Dieu. Et au peuple de Dieu de continuer de nous faire confiance. Que Dieu soit béni. Deux Rois chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset. Jusqu'au septième verset. Deux Rois chapitre 4. 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire esclaves. Élisée lui dit: Elisha kamambia, que puis-je faire pour toi? Nini unatamani nifanye kwako? Dis-moi, unyambie, qu'as-tu à la maison? Nini ambao unakuwa nayo nyumbani kwako? Elle répondit: akasema, ta servante n'a rien du tout à la maison. Mimi kichakazi wako sina na kitu nyumbani. Qu'un vase d'huile. Paka chupa ya mafuta. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Nenda ukalombe inje vyombo kwa jirani wako wote. Des vases vides. Vyombo vitupu. Et n'en demande pas un petit nombre. Na wala usiombe kwa hesabu chache. Quand tu seras rentré, wakati utaweza kurudi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Utafunga mlango kwa ajili yako na kwa ajili ya wana wako. Tu verseras dans tous ces vases. Utamwanga ndani ya vyombo vyote. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Na utayaweka pembeni yale yote yatajaa. Alors elle le quitta. Na hapo akaondoka. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Akajifungia mlango yeye na wana wake. Elle lui présentait les vases. Na akamtambulisha vile vyombo. Et elle versait. Na akaanza kuvijaa. Lorsque les vases furent pleins, wakati vyombo vilipata kujaza, elle dit à son fils, akasema na mwanae, présente-moi encore un vase. Unilete chombo chingine. Mais il lui répondit, naye akamjibu, il n'y a plus de vase. Hakuna tena vyombo vingine. Et l'huile s'arrêta. Na mafuta ikakauka. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, akaenda kumambia mtumishi wa Mungu akasema, va vendre l'huile et paye ta dette. Kwenda kuzisha mafuta na ulipe deni. Et tu vivras, toi et tes fils de ceux qui resteront. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Seigneur, nous bénissons ce moment de la parole. Baba, tunabariki wakati ya neno hii. Laisse que toutes tes grâces soient déversées au milieu de nous. Acha manema yako yote imwangike yuli yetu. Que cette parole de ce matin soit une bénédiction. Neno ya asubuhi ya leo ipate kuwa baraka. Qu'elle apporte la guérison. Il est matunzo, qu'elle apporte la délivrance. Il est ufungulivu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions. La uwezo la Yesu Kristo ya Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Ne limite pas Dieu pour ton miracle. Usimweke Mungu mipaka kwa ajili ya miujiza yako. Frères et sœurs, ndugu na dada, il est important, inakuwa ya muhimu, de ne pas constituer la limite pour son miracle. Plusieurs nous constituons notre propre limite. Dieu n'est pas limité. Il faudrait que ceux qui croient en lui ne soient pas limités. Alléluia. Amina. La Bible nous dit, une femme d'entre les femme des fils des prophètes cria à Élisée. Voici la première parole qui m'a intéressé. Une femme d'entre les femmes. D'autres versions nous disent une femme de la communauté d'Élisée. Une femme de la communauté des femmes des prophètes a crié à Élisée. Akamlilia Elisha. Il y a une nuance. Kuna sema kuna kuwa kufatanisho kwa vitu. Elle n'a pas crié vers un inconnu. Asikulilie mtu ambaye sijui hapana. Cette femme, ou mwanamke, ne s'est pas simplement adressée à Élisée. Asikuweza tu kumlilia Elisha bule. Comme un prophète de passage. Kama nabii mwenye kupita. Cette femme, ou mwanamke, appartenait à l'école de Élisée. Alikuwa kushule ya Elisha. Frères et sœurs, nous avons tout à faire. Nous pouvons pleurer. Nous pouvons crier. Nous pouvons nous adresser aux hommes. Mais la question ce matin, à qui est-ce que tu appartiens? Ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu les connaît. Dieu les entend. Dieu répond à leurs requêtes. Je prie pour quelqu'un ce matin. À qui tu appartiens? Oh, si tu appartiens à Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de ta réponse. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Cette femme était de la communauté. Oh, source féconde. Est-ce que nous appartenons à cette église? Est-ce que nous sommes les enfants de cette église? Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, je prie ce matin. Réalise dans ta vie à qui tu appartiens. Notre Dieu est un bon Dieu. Il est plein de miséricorde. Il est compatissant. Il est plein de bonté. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous devons retenir, la Bible dit, cette femme crie à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, oh, j'ai béni le Seigneur. Cet homme qui est mort était d'abord serviteur. Aux frères et sœurs, le temps est arrivé. On doit te connaître. Si tu es serviteur d'Élisée ou pas, si tu es serviteur d'Élisée, il y aura la différence. Aux frères et sœurs, beaucoup s'appellent serviteurs. Beaucoup s'appellent prophètes. Wengi wanajita wanabi. Beaucoup s'appellent fils de prophètes. Wengi wanajita wana wa wanabi. Daddy, fils. Baba, mtoto. Mais ce matin, lakini asubuhi, est-ce que tu es fils ou tu es serviteur de Dieu? Uhakika unakuwa mtoto au mtumishi wa Mungu? Ton serviteur, mon mari, cette femme savait ranger les choses dans sa vie. Vous allez réaliser, frères et sœurs, dans la suite de notre enseignement, elle savait ranger les choses. On peut comprendre tout de suite que dans cette maison, l'ordre des choses était que Dieu était en premier. Après Dieu, la maison. Après la maison, les autres choses. Elle est allée devant Élisée. Elle lui dit, ton serviteur. Oh, frères et sœurs, rangeons les choses dans notre vie. Dieu, Mungu, maison, nyumba, et les autres choses. Na vingine kazalika. Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie. Il y a des problèmes. Tu auras des problèmes. D'abord Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, d'abord Dieu. Arrangeons les choses. Revenons aux choses essentielles. Remettons Dieu à sa place. Frères et sœurs, ce n'est pas le fait de crier qui nous donne tout dans la vie. Il y a des moments dans la vie tu crieras, tu parleras, tu demanderas, tu chercheras le changement, rien n'arrivera, parce que dans ta vie il n'y a pas un ordre ordonné, en commençant par Dieu. Ton serviteur, Mutu Mishuako, Dieu en premier, Mungu Fasia Kwanza. Oh, j'ai béni le Seigneur. Nabariki Bwana. Elle ajoute, Anaangeza, elle lui dit, Anamambia, ton serviteur, Mutu Mishuako, craignez l'Éternel. Ariogopa Bwana. Oh, frères et sœurs, Nduku na dada. Il craignait Dieu. Arikuna Mungu pa Bwana. Même sa femme savait que son mari était droit. Soyons droits dans la vie. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Oh frères et sœurs, craindre Dieu ne signifie pas être épargné des problèmes. Il craignait, mais il est mort. Tu crains, mais tu as des problèmes. La crainte ne nous épargne pas des problèmes. Mais le plus important est de savoir que dans tout ce qui nous arrive, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je veux encourager quelqu'un qui craint Dieu, qui sert le Seigneur, qui est connu de Dieu, quel que soit le problème que tu rencontres. Dieu est bon. Dieu est juste. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amina. Donc je disais, tu dois appartenir à Dieu. Kwa Mungu. Deuxième des choses, na kitu kapili, tu dois être reconnu unapasha kujulikana comme serviteur. Kama mtumishi. Tu dois mettre l'ordre des choses dans ta vie. Unapasha kuweka usawa wa vitu mumaisha. Oh frères et sœurs, nduku na dada, le temps est révolu. Wakati inasonga. Venir à la maison de Dieu, kurudia kunyumba ya Mungu, écouter, danser, kucheza, partir, kurudi, sans servir, pasipo kutumikia, ça n'existe plus dans le temps de la fin. Ile aina kote na mwi wakati mwisho. Mets l'ordre. Weka usawa. Alléluia. Amen. La troisième chose, na kitu kia tatu, tu crains Dieu, oui. Ukunaogopa Mungu ndio. Les problèmes, mambo, peuvent toujours arriver. Inaweza kufika paka. Bien plus que tu ne peux les connaître. Na ila taweze kuyatambua. Mais le plus important, lakini ya msingi kabisa, tu as la victoire. Uko na ushindi. Alors ces trois points ce matin vont nous introduire dans le message. J'ai tiré le message dans le verset 2. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Oh frères et sœurs, Dieu te pose ce matin la question. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi? Tu as déjà fait le sacrifice qu'il faut faire. Tu es dans la maison de Dieu. Mais Dieu me demande de te poser la question. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi? Frères et sœurs, quand tes droits, quand tes droits parle devant Dieu. Dieu lui-même se charge de t'apporter la solution. C'est pourquoi il pose la question à cette femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai relu le verset. J'ai cherché à connaître la réponse de la femme. Jusqu'à ce que je réalise que cette femme n'a jamais dit à Élie. Elle n'a jamais donné la réponse à Élie. Plutôt, elle a commencé à donner la situation qu'elle traversait. Frères et sœurs, plusieurs personnes n'ont pas encore dit à Dieu ce qu'ils veulent, mais ils présentent leur situation. Mais ce n'est pas un problème. Ce matin, même si tu n'as pas de réponse, le Dieu qui te connaît, il sait ce qu'il faut pour ta vie et il va te l'accorder au nom de Jésus de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est un Dieu qui peut nous accorder son secours. Il peut nous apporter son secours. Et ce matin, je prie que Dieu t'apporte son secours au nom de Jésus de Nazareth. Que le secours de Dieu poursuive tes voies, poursuive ta maison, poursuive tes enfants, poursuive ta femme, poursuive l'église au nom de Jésus de Nazareth. Oh frères et sœurs, elle n'a pas donné de réponse, mais Dieu lui a apporté son secours. Je prie ce matin que Dieu t'apporte son secours au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amina. Le Dieu que nous servons est un Dieu de possibilités illimitées. Cette femme ne savait pas quoi répondre. Je vais dans Jean chapitre 5. Il y a un homme malade à la piscine, ça fait 38 ans. Jésus vient le rencontrer. Il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Cet homme commence à lui dire, Seigneur, chaque fois que l'ange descend et que l'eau est agitée, il y a quelqu'un qui saute avant moi. Cet homme aussi, de même que la femme, n'a pas donné la réponse. Mais malgré tout, Jésus-Christ a donné la réponse à cet homme. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tu ne connais pas ce que tu traverses. Tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas d'explication. Mais Jésus, Jésus de Nazareth, va te donner une réponse. Va te donner la solution. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh frères et sœurs, l'homme présente toujours des limites. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir. Oh frères et sœurs, Dieu va agir et personne ne va s'opposer. Dieu va te toucher et personne ne va s'opposer. Dieu va te bénir et personne ne va s'opposer. La bénédiction de l'Éternel ne suit d'aucun chagrin. Dieu va faire quelque chose. Comment des gens qui se trouvent devant Dieu, ils n'ont pas de réponse à donner à Dieu, mais Dieu agit. Oh, je bénis le Seigneur. Dans Genèse chapitre 32, le verset qu'on nous a lu, le dit que Jacob était seul. Regardez la nuance que je vous donne. Jacob est seul. La Bible dit qu'à un moment donné, un homme est apparu. Jacob a commencé à lutter avec cet homme. Cet homme voulait le lâcher. Jacob dit non. Jacob anasema pana. Tu ne pars pas. Si tu ne m'as pas béni. La Bible dit que cet homme a brisé la hanche de Jacob. Regardez frères et sœurs. Deux personnes ont crié à Dieu. Dieu pose la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils ne savent pas répondre. Mais Dieu agit quand même. Lakini Mungu anakuwa kitenda. Un autre, mwingine, lui il sait ce qu'il cherche. Yanajua ambaye kunatafuta. Il le demande. Analomba. Mais Dieu choisit de le briser. Lakini Mungu anabeba apate kufuta. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Napenda kusema na mtu mmoja asubuhi. Les choses que tu demandes à Dieu. Bitu ambaye kunalomba kwa Mungu. Amènera Dieu à te briser. Bitalmurusu Mungu apate kukufunza. Ce n'est pas que Dieu ne te bénira pas. Haina kusema Mungu atakubariki. Dieu le fera. Mais cela passera par un brisement. Na ile itapita kukuweza kufunjwa. Mais ce que Dieu fait pour toi. Kile Mungu kunafanya kwa ajili yako. Ne va pas te briser. Asiweze kukufunja pana. Je suis venu annoncer une saison à quelqu'un. Na kwa kutangaza kwa tuo kwa mtu mmoja. Il y a des bénédictions que tu as eues. Kuna mabaraka kuna fiki. Il y a des bénédictions que tu as demandé à Dieu. Kuna mabaraka ulilomba kwa Mungu. Ça t'a amené dans beaucoup de choses. Ili kupeleka mvitu vingi. Mais cette fois-ci. Lakini kwa hii safari. Ce que Dieu va faire. Ile Mungu atafanya. C'est ce que tu n'as pas demandé. Ila kuweza kulomba. C'est ce que tu n'as pas cherché. Ila kuweza kufuta. C'est des questions auxquelles tu n'as pas répondu. Kwa ila kuweza kufuta. Dieu va le faire. Mungu atayafanya. Dieu va le faire. Atayafanya. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus Christ à Nazareth. Alléluia. Amen. Oh gloire à Dieu ce matin. Utukufu kwa Mungu asubuhi. Frères et sœurs. Nduku na dada. Frères et sœurs. Nduku na dada. Dieu est terrible. Mungu kwa mastajabu. Dieu est terrible. Mungu kwa mastajabu. Lorsque je médite cette parole. Wakati tunafikiri kwa usomi. La Bible me dit. Biblia nasema. Que cette femme était veuve. Umwanamke alikuwa mjane. Elle crie à Élisée. Wakati anamlilia Elisha. Elle est veuve. Eko mchane. Ses enfants rendus esclaves. Watoto wake wanaopeleka kutumwa. Mais quand Dieu décide de répondre dans la vie de cette veuve. Lakini wakati Mungu alichukua mpango kuchibu mu maisha ya mchane. Elle finit sa vie chef d'entreprise. Anaisha maisha yake mkubwa wa kampuni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Comment on peut quitter de veuve? Namna kani tunaweza kutoka kwa toa ya vujana? Chef d'entreprise. Na mkubwa wa kampuni. Quand je regarde dans la demande de cette veuve. Wakati natazama mkulomba kwa mwanamke. Elle n'a jamais mentionné. Asiyeonesha kamwe. Qu'elle veut devenir chef d'entreprise. Ya kusema anapenda kuwa mkubwa wa kampuni. Mais Dieu. Lakini Mungu. Avait prévu. Alikuwa shakutayarisha. Que cette veuve. Ya kusema mjane. Soit chef d'entreprise. Akuwe mkubwa wa kampuni. Frère, je ne connais pas ton statut. Mpendwa sijue hata anya. Mais je suis venu te dire ce matin. Lakini nakio kuambia asubuhi. Ce qui est écrit est déjà écrit. Kile kinaandikiwa kisha kuandikiwa. Ce qui est scellé pour ta vie est kile kinapikiwa saini kwa ajili ya maisha yako kinapikiwa saini. La Bible me dit. Biblia inatuambia. Élisée lui dit. Elisha kamwambia. Que puis-je faire pour toi? Nini unatamani nipate kufanya kwa ajili? Va demander au dehors des vases. Wende ulombe nje vyombo. Dieu a commencé à agir dans la vie de cette femme. Mungu anaanza kutenda maisha ya mwanamke. Par rapport à ce qu'elle avait. Kulinganisha na ile aliyoweza kufanya. Qu'est-ce que cette femme avait? Nini mwanamke alikuwa nayo? Elle n'avait qu'un peu d'huile. Alikuwa na chupa ya mafuta. Mais allez-y comprendre. Na mnaweza kuelewa. Élisée lui dit. Elisha anamwambia. Va demander les vases vides. Wende ulombe vyombo vitupu. Nous allons les remplir. Tutavijaza. Elle remplit les vases. Eko na jaza vyombo. Élisée lui dit. Elisha anamwambia. Va maintenant vendre. Wende uzishe. Qu'est-ce que je comprends? Nini naelewa hapa? Elle a un problème dans sa vie. Anakuwa na tatizo moja maisha yake. Les problèmes mambo ne lui permettent pas de racheter sa vie. Mais Dieu veut agir sur base de ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est de l'huile. frères et sœurs. Elle avait l'huile, mais elle ne savait pas ce que signifiait cette huile. Elle ne savait pas ce que cette huile pouvait reproduire dans sa vie. Du peu que tu as, Dieu peut faire des choses exceptionnelles. L'huile, mafuta. Élisée lui dit, remplis et va vendre. Celle qui n'avait rien, la personne qui pleurait sur elle-même, désormais, elle est devenue chef d'entreprise. C'est-à-dire par cette femme, tout celui qui cherchait l'huile pouvait s'approvisionner chez elle. Je suis venu dire à quelqu'un, ça fait longtemps que les hommes et les femmes ont arrêté de s'approvisionner chez toi. Mais je t'annonce une saison où les hommes et les femmes vont maintenant venir pour commencer à s'approvisionner chez toi. Celle qui n'avait rien, elle est devenue actionnaire. Frères et sœurs, quand je te regarde, ton aspect ne montre pas réellement ce que tu deviens. Mais Dieu m'a envoyé te dire ce matin, il y a un miracle qui va s'accomplir. De toi sortira ce que les hommes sont en train de rechercher. Je dis à quelqu'un ce matin, elle n'était rien, elle n'avait rien sinon un peu d'huile. Mais après un peu de temps, tout le monde on commence à s'approvisionner. Oh bien-aimé, je réalise, quand Dieu te visite, il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Quand Dieu décide de te visiter, il peut faire de ta vie tout ce qu'il veut. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu fasse de ta vie ce que lui il veut. Si Dieu veut que tu sois chef d'entreprise, reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, si Dieu veut que tu sois élevé, alors sois élevé au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, si Dieu veut, qui va s'opposer? Je prie pour quelqu'un. Sois ce que Dieu veut au nom de Jésus de Nazareth. De rien jusqu'à devenir chef d'entreprise. Bien aimé, je prie pour quelqu'un ce matin. Il y a des choses qui n'arrivera pas si tu n'es pas arrivé là où Dieu veut que tu sois. Aujourd'hui, je proclame une accélération par rapport à ce que Dieu veut de toi au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un ce matin. Ce qui a traîné, ce qui a longtemps traîné, que ça arrive vite au nom de Jésus de Nazareth. Oh frères et sœurs, il y a des lieux, il y a des places que tu dois être. Cela demande que Dieu fasse ce qu'il veut. Et ce matin, si tu t'attaches à cette prophétie, que Dieu le fasse au nom de Jésus de Nazareth. Dieu partira toujours de ce qui n'a pas d'importance aux yeux des hommes pour faire ce qui est important. Ta position, est une bonne position. Ta position est une bonne position. Pourquoi? C'est cette même position qui te permettra d'arriver là où Dieu veut que tu sois. Oh, je prie le Seigneur. Fleur ne change pas. Ne pleure pas. Reste toi-même. C'est de cette manière-là. Dieu lui-même sait. Tu n'as pas besoin de devenir ce qu'un autre est. Tu as besoin de rester toi. Reste toi. Reste toi. Ne change pas parce que les hommes ont dit. Ne réagis pas parce que les hommes parlent. Reste toi-même. De la même manière qu'il t'a visité, il est en train de venir. Oh, je proclame ce matin, Dieu est en train de venir dans la vie d'une personne. Ce matin, Dieu est en train de venir dans la vie de quelqu'un. Il va accomplir selon son bon dessein. Quand je regarde cette femme, tout le monde disait, c'est fini. D'ailleurs, Bouanaki, son mari, s'il prêche, c'est comme si c'est lui qui est vraiment parfait. Et la je veux te dire, Dieu reste fidèle. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Père, il agira. Personne ne s'y opposera. Je vois l'élévation de quelqu'un ce matin. Je vois l'élévation de quelqu'un ce matin. Dans ce travail, dans ce que tu fais, quelque chose est en train de se proclamer. Quelque chose est en train de se préparer. Il y a une voix qui est en train de s'ouvrir. Il y a une voix pour que tu y arrives. Là où Dieu te voit. Oh frères et sœurs, ne te contente jamais de ce que tu vois à tes yeux. C'est une limite. Je vais te donner une vérité. Si ce que les hommes voient de ta vie et tout ce que tu possèdes, tu es limité. Je répète, tu n'as rien dit. Si ce que les hommes voient dans ta vie et tout ce que tu possèdes, tu es limité. Il faut que les gens voient ce qu'ils vont voir. Et quand ils s'approchent de toi, ils trouvent encore d'autres. Bien qu'ils sont là, ils ne vont pas encore voir ce qui se trouve dans la réserve. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu augmente, que Dieu ajoute, que Dieu donne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, nous sommes dans une bonne saison. Dieu va faire. Personne ne va s'y opposer. Regardez ce que la Bible dit. Élisée lui dit, va prendre l'huile. C'était de quelle huile on parlait? Je pense que c'était l'huile d'olive. Regardez ce que l'huile qu'on utilisait dans les temps, à quoi il servait. L'huile qui accomplit le miracle, l'huile d'olive était utilisée pour la cuisine et pour allumer les lampes. Je me répète, cette huile avait pour objectif d'utiliser pour la cuisine et pour servir de lampe. C'est-à-dire, quand l'homme est malade, il devait utiliser cette huile. Et cette huile était une huile précieuse. Cette huile avait de la valeur. On ne pouvait pas en acquérir comme ça. Comprenez la valeur de cette huile. Même sur le marché, il y a plusieurs huiles qu'on utilise. Mais il y a de l'huile qui coûte cher. Même par son embellissement, même par sa valeur. Donc cette huile, Elle était utilisée pour la cuisine. Elle était utilisée pour allumer les lampes. Pourquoi la cuisine? Frères et sœurs, une bonne cuisine nous donne la bonne santé. Je me répète. Une bonne cuisine nous accorde la bonne santé. Et les lampes, l'huile qui allumait la lampe, en d'autres termes, on veut nous dire que cette même huile a servi là où il y avait le ténèbre, que les ténèbres soient chassées pour que la lumière puisse apparaître. Frères et sœurs, Dieu est en train de t'amener dans une saison où ta santé ne sera pas bougée et les ténèbres de ta vie vont disparaître. Ce décret déclare établi. Tout celui qui n'est pas en bonne santé, même vous qui nous suivez en ligne, maintenant là, que le Dieu de grâce, par son huile, vous accorde la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Retrouvez la bonne santé au nom de Jésus. Oh frères et sœurs, regardez bien. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Aucune personne, aucun homme de Dieu, frère, si vous n'avez pas la santé, vous êtes faible. La prospérité de l'âme dépend de la santé. Si vous n'avez pas une bonne santé, vous êtes arrêté. Mais aujourd'hui, il y a une huile de grâce qui va couler dans cette église. Elle va apporter la bonne santé. Je dis à quelqu'un ce matin, ta santé va commencer à l'étape zéro. Ta santé va commencer à l'étape zéro. Aujourd'hui, on va regarder. On ne va pas trouver ce qu'on cherchait. Parce que Dieu est prêt de te guérir. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, cette huile est venue apporter la lumière. Elle est venue chasser les ténèbres. Oh, je prie ce matin que Dieu chasse les ténèbres au nom de Jésus de Nazareth. Car il est écrit, le thème nous dit, ne limite pas Dieu pour ton miracle. Marc chapitre 16, le verset 17, la Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Oh frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, la première chose, selon Élisée, il fallait la santé. Après la santé, on chasse les ténèbres. Mais quand Jésus est venu, il a changé l'ordre. La Bible me dit, Jésus dit, parmi les miracles qui doivent nous accompagner, d'abord chassons les démons. La deuxième chose, proclamons la guérison. Aujourd'hui, quels que soient les démons qui ont dévasté ta vie, dans le nom de Jésus, frères et sœurs, les ténèbres vont partir. Cette femme, après la mort de son mari, elle a été envahie par les ténèbres. Beaucoup de gens sont envahis. Mais ce matin, ne limite pas Dieu. Tu as le pouvoir. Tu vas chasser. Tu vas chasser les démons de la stérilité, les démons de la maladie, les démons de la pauvreté, les démons qui t'ont maintenu dans le même statut. Aujourd'hui, tu vas retrouver ton rang au nom de Jésus de Nazareth. Et la deuxième chose, Dieu veut nous donner sa guérison. La guérison, frères et sœurs, elle est possible. Si tu crois ce matin, tu vas te tenir debout et tu vas proclamer la bonté de Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer correctement le Seigneur? Nous voulons prier. Je vais juste résumer ce que le Saint-Esprit nous a dit ce matin par son serviteur. En fait, le Saint-Esprit nous a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'espère que ma mémoire est encore bonne. Je pense que j'ai retenu quatre choses qui résument ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Et je donne point par point pour nous aider à prier. Et je donne point par point pour t'aider à retenir la parole de Dieu, à la garder dans ta vie. Parce que quand tu gardes la parole de Dieu, c'est ce dépôt qui va t'aider à avancer dans la vie. Donc le Saint-Esprit nous a donné quatre points importants, tels qu'on nous a dit au verset numéro 2 de 2 Rois chapitre 4 verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Cette femme avait quatre avantages. Jusqu'à vous nous lisons ce verset, quatre avantages tels qu'on nous a dit ce matin. Le premier avantage, elle appartenait à une communauté. Toutes les femmes ne pouvaient pas avoir la grâce de s'adresser à Élisée. Seulement les femmes ou les serviteurs qui étaient dans la communauté d'Élisée. Il y a certaines choses que tu ne peux pas avoir si tu n'appartiens pas à une communauté spécifique qui a ces choses-là. Si tu n'es pas chrétien, il y a des choses que tu n'auras jamais. Si tu n'es pas dans tel parti politique, il y a des choses que tu n'auras jamais par rapport à ce parti politique. Le premier avantage, elle appartenait à une communauté, à la communauté d'Élisée. Frère, il y a un avantage à appartenir à la communauté des enfants de Dieu, à la communauté de Dieu. Tu peux avoir des choses que les hommes ne peuvent pas te donner. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est un avantage. Deuxième avantage que cette femme avait, l'avantage d'être veuve. Et l'homme de Dieu nous a dit ce matin, il y a certains statuts dans la vie qui paraissent défavorables aux hommes. Mais par rapport à Dieu, c'est un avantage. Dieu dit qu'il est le défenseur des veuves et le père des orphelins. C'est-à-dire que sa position de veuve lui donnait un avantage. Quand elle parle, on peut l'écouter. Il y a certaines positions que tu as aujourd'hui dans la vie. Tu as l'impression que tu es défavorisé. Non, bien-aimé, si tu as permis, cette position va te donner beaucoup d'avantages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était veuve. Donc elle pouvait franchir toutes les barrières et parler à Élisée. Élisée pouvait écouter. Oh, ce matin, que Dieu puisse écouter ceux qui sont dans des positions défavorables devant les hommes. Tu es au chômage. Position défavorable. Dieu t'écoutera ce matin. Tu étudies. C'est difficile pour toi. Dieu t'écoutera ce matin. Tu es orphelin. Dieu t'écoutera ce matin. Tu es veuve. Dieu t'écoutera ce matin. Tu es misérable. Dieu t'écoutera ce matin. Tu as des problèmes qui te dépassent. Dieu t'écoutera ce matin. Ton statut à toi te donne un avantage devant Dieu que tu ne peux pas imaginer. Elle appartenait à la communauté. Elle était veuve. Elle manquait de tout. Parfois, manquait de tout, c'est un avantage. En tout cas, moi, j'ai noté que c'est un avantage. Beaucoup de gens se plaignent. Michina. Plusieurs personnes se plaignent. Je n'ai rien, absolument rien. Mais comme il a dit, quand tu lis, tu relis, tu lis, ou tu relis. C'était un avantage pour cette femme de manquer de tout. Mais de ne lui rester que l'huile. Parce que si elle avait l'huile et la farine, il y aurait un problème. Il est passé au pata matatizo. Si elle avait l'huile et les habits, il y aurait un problème. Tatizo, il est passé qu'on a gagné. Elle devait manquer de tout. Allez, où est-ce que vous avez une viote? Ne restez dans la maison qu'avec de l'huile. Pourquoi? Dieu savait qu'il y avait un besoin dans le pays. Elle n'avait plus rien. Mais comme on nous a dit, elle avait la solution aux besoins qui se posaient à l'époque dans le pays. Frère, tu as manqué de tout. Mais tu ignores que ce qui te reste, c'est le besoin pour ta famille, pour la ville, pour l'église. Dieu ne travaille pas avec tout. Dieu travaille seulement avec ce qui nous reste. Si vous pensez que Dieu va travailler seulement quand vous avez beaucoup de choses, vous aurez du mal à voir la main de Dieu dans la vie. Quand tu n'as plus rien, ce qui te reste là, Dieu commence à travailler avec ça. Même quand elle a tout vendu, c'est le reste que Dieu a utilisé. Frères et sœurs, apprends à te contenter et à travailler avec Dieu par rapport au reste de ta vie. C'est un avantage de manquer certaines choses, mais d'avoir quand même un reste. Alors ce matin, que ce qui te reste dans ta vie, soit le point de départ de Dieu pour la suite de ta vie. Alléluia. Amen. Ce qui te reste dans la vie, que ça soit le point de départ. Frères et sœurs, même quand tu étudies, tu ne connais pas tous les cours. Jamais. Apana. Même quand on dit non, il est professeur. Il ne connaît pas tous les cours. Hein? Donc il ne faut plus jamais trembler. Apana. Il connaît ce qu'il donne. Il ne connaît pas tous les cours. Et il avancera dans sa vie en fonction de la fenêtre qu'il a. Toi aussi dans ta vie, tu vas avancer en fonction de ce qui te reste. Alléluia. Amen. Tu vas avancer en fonction de ce qui te reste. Si te reste un peu d'argent ce matin, avance en fonction de ça. Et le quatrième avantage que cette femme avait, elle a crié à Élisée. Il y a des moments où il faut savoir crier. Et quand tu cries, tu as la solution. C'est ça la prière. Et la prière, c'est un avantage. Il y a des moments où il faut savoir crier. Et Dieu répondra. Voilà quatre avantages, bien-aimés. Appartenir à la communauté. Avoir un statut défavorable devant les hommes, mais favorable devant Dieu. Manquer certaines choses, c'est aussi un avantage. Ça change même dans le comportement. Quelqu'un qui ne manque de rien a un mauvais comportement. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui ne manque de rien, il devient orgueilleux. Il commence à avoir une drôle d'opinion sur lui-même. Quoi qu'il y, tu es intelligent. Tu es belle. Tu as de l'argent. Pourquoi il va bien? Tu as un bon mariage. Bien. Tu as de beaux enfants. Non, mon ange a kumuwa. C'est pourquoi parfois manquer, c'est un avantage. Frère. Quand tu manques, tu vas chercher à combler le gap. Le gap, oui, à combler le déficit. C'est pourquoi manquer, c'est un avantage. Même à l'école. Quand il y a un cours qui est difficile, c'est un avantage. Je vais travailler pour combler les gaps. Quand je ne sais pas monter avec ma voix à un niveau, je vais travailler. Quand je ne sais pas prier à un niveau, je vais travailler. C'est pourquoi quand vous êtes à côté de quelqu'un qui n'a pas quelque chose, encouragez-le. Parce que c'est un avantage. S'il prend conscience, il va travailler et faire de grandes choses. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et elle est devenue chef d'entreprise. Parce qu'elle avait un avantage. Elle n'avait rien. Et puis elle a commencé à vendre. Vous savez pourquoi? Elle devait très bien vendre pour ne pas revenir encore à ne plus avoir l'huile. Donc son comportement a changé. Bien aimé. Le manque change notre comportement. Mais l'abondance aussi. Ça, ça vous tele now. Change aussi notre comportement. Parfois l'abondance nous détruit. Et le manque nous bénit. On doit enseigner ces choses pour les garder dans nos cœurs et bien prier. Nous voulons prier. Nous avons dit jusqu'à Moulima. Tu ne sais pas que fika ku Moulima. Ne limite aucun miracle. Apana kupika me. Usimamishe mujiza tamoja. Quelle que soit ta situation. Ingawa haina yako yote. Que tu sois veuve, tu sois orphelin, que tu sois. Un jour, je disais à un de mes amis ou collègues, Longtemps après, j'ai compris que j'avais un avantage d'être orphelin quand j'étais en première secondaire. En tout cas, si mon père n'était pas mort quand j'étais en première secondaire, je ne serais pas arrivé à certains niveaux. Parce qu'il était très protectionniste. Moi, c'était compliqué. Mais Dieu n'a pas demandé notre avis. Pendant que nous pleurions, c'était un avantage. Donc être orphelin, c'est aussi un avantage. Parce que ça venait de Dieu. Être veuve, c'est un avantage. Être à Kikula, c'est un avantage. Être à Likasi, c'est un avantage. En tout cas, si je n'étais pas à Likasi, il y a des choses que je n'aurais jamais vues. Mais il y a toujours un avantage. Étudier à tel endroit, passer à tel endroit, c'est toujours un avantage. Manquer de tout, vous t'aurez qu'estimé à Mangoua. Alors, tu donneras un peu de la valeur aux habits. Vous t'aurez qu'estimé à Makuta. Tu donneras de la valeur. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. Parce qu'il ne manque pas d'argent. Ça va pas au Kosovo qu'il n'aille. Il peut dépenser 20 000 $ comme ça. Un de tout quoi, Rabishia 20 000 $ qui m'arrive. On a kabola kabola tout. Il dépense 50. 2 000 € encore. Qu'est-ce que tu as pas tenu ingine? Mais toi, si tu connais la valeur, tu sauras comment gérer. Ton cœur sera préparé par lui. Il y a un avantage aussi à moi. En tant qu'enfant de Dieu, comprenons ces choses. Dieu travaille le cœur. Quand le cœur est suffisamment travaillé, maintenant tu peux devenir chef d'entreprise. Comme on nous a dit ce matin, elle a commencé à gérer l'entreprise. Une entreprise qui produit de l'huile, on l'appelle comment? Alianza Congo, ça, ça, Kampuni, il est a fanya mafuta. Mais tu as dit français. Une entreprise qui fabrique de l'huile. Ah. Raffinerie ou quoi? Raffinerie à mafuta. À mafuta. Ah, français, Congo, vous. Français, ni mambo, va tout. Ok, donc il devient PDG d'une entreprise qui fabrique de l'huile. Anakuya Mukurungezi, ya Kampuni, il est a fanya mafuta. C'était un avantage. Donc, imaginez-vous les gens à qui il est parti demander les vases vides. Après, frère Bagoué va mouser ma faute. Et par après, ils sont venus maintenant se procurer auprès d'elle. Les gens à qui tu demandais, sois tranquille. On nous a dit dans peu de temps, eux viendront acheter chez toi. Ça, ce sont les avantages. Alors, nous voulons prier. Ça, c'est ton appel d'accomba. Nous voulons prier. Qui est ton appel d'accomba? Quand tu comprends ces choses, quand tu n'as jamais fait cela, alors ne limite pas Dieu. À part que moi qui ai mangé mes paka. Tout ce que tu veux comme miracle ce matin, Dieu est capable de le faire. Mungo kumu kimu ya kuitimiza. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour 5 minutes? Kanisa muzima tushimame kwa dakika tano. Nous allons prier. Tunapenda kuomba. Dieu pose la question. Mungu anauliza kaulizo. Que puis-je faire pour toi? Nikufanie nini kwa ajili yako? Quel est le miracle que tu veux ce matin? Muujiza kama natamani asubuhi ya leo. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Unataka nini asubuhi ya leo? Même dis-moi ce que tu as. Unyambie ni nini uko nayo? Dis-moi ce que tu veux. Unyambie ni nini unataka? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi ce matin? Nini Mungu anaweza kufanya kwa ajili yako? Lève seulement tes mains. Réfléchis à ce que Dieu veut faire pour toi. Fikiria kwa ile Mungu anataka kutimiza kwa ajili yako. Réfléchis à ce que Dieu veut faire pour toi. Fikiria vizuri kwa ile Mungu anapenda kufanya kwa ajili yako. Alléluia. Il veut réellement faire quelque chose ce matin. Anapenda kutimiza kwa jambo moja asubuhi ya leo. Rencontrer Élisée. Kukutana na Elisha. La rendez responsable d'une grande entreprise. Et que dire ce matin? Toi qui vas rencontrer Dieu. Si tu as des problèmes de santé, dis-le à Dieu. Si tu as des problèmes de possession démoniaque, dis-le à Dieu. Si tu as des problèmes de difficulté dans la maison, dis-le à Dieu. Dieu te pose la question. Que puis-je faire pour toi? Il peut tout. Anaweza vyote. Il peut tout. Anaweza yote. Dans Marc 9, 23. Marco 9, 23. Ce papa dit à Jésus. Oui, baba, ne m'oublie pas, Jésus, ici. Si tu peux faire quelque chose. Parce que son fils tombait par terre. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible ce matin. Si tu crois, ce que Dieu peut faire pour toi. Alors élève ta voix. Commence à prier. Dis à Dieu ce que tu veux. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Nous avons nos mains levées, je vais juste clôturer la prière. Mets ta foi dans le Seigneur. Que puis-je faire pour toi? Seigneur, merci. Tout ce que nous avons dans la vie a un avantage devant toi. Éternel Dieu des armées. Même de la poussière. Tu sais prendre le pauvre et l'élever. Même n'importe quelle maladie. C'est trouver une solution devant toi. Nous regarderons tout comme un avantage. Parce que toi, Dieu, tu sais utiliser pour glorifier ton nom. C'est pourquoi ce matin, je bénis ton peuple. Quel que soit le statut de chacun au milieu. Je sais que cela contribuera à son avantage. Quel que soit ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Cela contribuera à son avantage. Oh Jéhovah. Ce matin. Fais quelque chose. Dans la vie de chacun de nous. Il y en a qui manquent de tout. Travaille avec le reste. Il y en a qui ont perdu les appuis. Mari, femme, père. Seigneur, travaille avec ce qui leur reste. J'ai confiance en toi. Parce que ta parole donne la vie. Et n'est pas seulement esprit. Dans Jean 6, 63, tu nous dis, mes paroles sont esprit et vie. Quand l'esprit vient, il donne la vie. La vie, on la touche. C'est pourquoi ce matin, que cette parole prenne chair. Hallelujah. Qu'elle habite au milieu de nous. Pleine de grâce. Dans la vie de chacun de nous. Je bénis ton serviteur qui nous a parlé. Je bénis quiconque a écouté la parole. Que sa vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre notre offrande et tu vas déclarer sur ton offrande selon ce que Dieu nous a mis à cœur. Vous allez prendre l'offrande, vous allez déclarer sur cette offrande avant de la déposer dans le panier. Dis seulement quelques mots, dis un mot, déclare sur ton offrande. Seigneur, voici Père de grâce avec notre offrande. Seigneur, qu'elle porte de fruits dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans nos finances, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons offrir avec joie sous l'accompagnement de la chorale. Baba, nous inclinons nos têtes pour prier pour les offrandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois ce que nous t'avons apporté en signe de reconnaissance pour ta bonté. Bénis-les et fais qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi chaque main qui a donné et pourvois aux besoins de ton peuple. Nous recommandons ces offrandes à ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Si c'est votre première fois d'être ici et de prier avec nous, veuillez lever la main et l'Église va vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer le frère? Est-ce qu'on peut les accueillir selon la manière? Veuillez vous tenir debout. Alléluia. Est-ce que tu nous couramuki ako benze tout correctement? Est-ce qu'on peut les saluer correctement? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il faut? Est-ce qu'on peut les acclamer? On peut acclamer, on peut acclamer. On peut acclamer. Est-ce que les mamans, vous pouvez saluer les mamans qui sont autour? Maman, maman, karibu, ma salimi yeko. Baba, salimi yeko bageni. Saluons nos bien-aimés. Salimi yeko bageni yetu. Saluons-les. Ba salimi ye na furaha. Ça fait la joie d'être ensemble. Alléluia. Vous savez, quand un visiteur arrive, c'est la façon dont vous l'accueillez va revenir encore. C'est très important. Est-ce que tu vas mettre un micro dans le cœur sur Varudi et tes? Allons encore les acclamer parce qu'il revient encore dans le lendemain. Oh, gloire au Seigneur. Merci. En tout cas, Mungu Amibariki. Que Dieu vous bénisse, maman. Nous sommes dans la joie à Kumiona Asubuya Leo. Nous sommes dans la joie de vous voir ce matin. En tout cas, qui l'a siku, comment on a quoi na Kanisa? Chaque jour, il y a un culte, en tout cas, venez, les portes vous sont grandement ouvertes. Nous avons dit que sur ce monde, il y a certaines histoires là que vous n'allez pas les trouver quelque part. Si tu n'es pas dans une communauté des enfants de Dieu, tu n'auras rien. Et dans la communauté des enfants de Dieu, si tu n'es pas dans l'église, des sources fécondes, tu n'auras rien. C'est comme dans une famille, si tu n'es pas dans telle famille, tu n'auras pas quelque chose. Il faut que nous sachions ces choses. Et ça va nous aider dans les jours à venir. Que je dois encadrer cette communauté, famille, encadrer ma famille, encadrer, et encadrer aussi l'environnement. Et c'est ça la parole de Dieu. Pendant que se mettent, en tout cas, nous applaudissons pour eux. Alléluia. Amen. Alors, on va donner rapidement les communiqués pendant qu'on est là. Le programme de la semaine. Nous avons dit qu'à partir de ce lundi, il n'y a pas secteur. Parce que de 17h à 18h15, nous avons prié avec tous les serviteurs et servants de l'église. Ça va 17h, pas 18h, tout celui qui sait qui est serviteur, qui fait un travail à l'église, quel que soit son travail, on est d'abord serviteur. Ça nous permet de prier et de dire, d'enseigner ce qu'est un serviteur. Pendant 1h15, média technique, média, torchon, secrétaire, pasteur, ancien diacre, choriste, senbaji, clavériste, tout ce que vous voulez. Quand je veux ton enfant à Mungu, à tout ce que tu fais dans l'église, soyons là, prions. Je pense que c'est très important de nous enseigner et de savoir c'est quoi être serviteur de Dieu et de prier pour l'église. Donc de 17h à 18h15 et nous prendrons les présences. Na tutanja kubeba majina ya watu. Ni masomo, hein? C'est une école. C'est comme ça qu'on a étudié. Je veux te le dire, funza. Alléluia. Amen. C'est important de faire ces choses. Programme de la semaine. Donc lundi, nous avons prière de tous les serviteurs. mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Cette semaine, il y aura un carrefour des jeunes qui vont faire un travail. Ça ne signifie pas que les adultes ne sont pas invités. Nous sommes tous invités. De temps en temps, nous ouvrons l'espace aux enfants de l'église, aux différents groupes de l'église, pour travailler ensemble. Donc nous avons cette semaine un carrefour des jeunes à partir de mercredi. Nous serons là et la chorale sera là pour faire un travail que toute la JPC soit là et nous tous. Dieu peut parler à travers les grands, tout comme à travers les enfants. D'ailleurs, ce ne sont plus les enfants, je crois que Dieu peut nous parler à travers tout le monde. Donc nous serons là mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je ne vois pas les noms de tout le monde bien, mais il y a les noms de tous nos enfants, de tous les prophètes, pasteurs, apôtres, voilà. Soyons là, écoutons la parole de Dieu. C'est très important. Ça, c'est à partir de mercredi. Donc, la JPC, cet après-midi à 15h, pour préparer ce travail. Le 14, nous aurons mariage. On les a déjà présentés et Tegra et Sami. Et le 16, nous aurons aussi un mariage. Viviane et Alix. Dada, Viviane na nduku Alix. Que nous allons bénir en ce lieu. Alléluia. Amen. Anniversaire. Nous avons deux anniversaires ce matin. Le frère Paul Kiboué et la sœur, j'aime ce nom vraiment. Elle est à Nord, elle est où? Viens ma chérie. Dada Caribia, Caribia. Est-ce qu'on peut l'encourager? On va comme tu l'as dit, Paul Kiboué aussi. Ok, nos enfants fêtent leurs anniversaires. Si toi aussi c'est ton anniversaire, viens, on va prier pour toi. Oui, chantons pour nos enfants. On continue. Si vous êtes là aussi, c'est votre anniversaire. Seigneur, je bénis Hervé pour son anniversaire. Que ta grâce soit sur lui et sur sa vie. Je bénis Eleanor, Seigneur. Que ta grâce l'accompagne dans cette nouvelle année. Je bénis Paul. Seigneur, sois avec lui. Mets ta main sur sa vie. Merci pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Nous recommandons à ta grâce et entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous acclamons le Seigneur. Nous les encourageons. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les parents. J'aime toujours quand les enfants donnent, ils font une petite génuflexion. Je dis, ah, ça c'est la marque du Katanga. Ça c'est la marque du Katanga. C'est une bonne chose d'élever les enfants comme ça. Nous avons un bébé que nous présentons au Seigneur. La famille Gloire Nawej et Evodi. Présente l'enfant Misha Nawej Chimwanga. Ok, maman, bébé et papa peuvent passer devant. Bébé, papa, nous pouvons l'encourager. Maman Evodi, caribou. Gloire est où? Il n'est pas là. Ah, gloire. Ok. Toi, tu es dans quel secteur? Quartier mission. Quartier mission. Chef secteur est où? Elvis et Maman Gloria. Maman Gloria est où? Elle n'est pas là. Ok. Elle est où? Venez prendre l'enfant. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Donc quand quelqu'un du secteur présente l'enfant, les gens du secteur s'occupent. Et nous prions pour les bébés. Nous ne baptisons pas les petits enfants. Nous les présentons au Seigneur. Pour que quand ils grandissent, qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Mais pendant ce temps, ils vivent dans la foi des parents, comme dit la Bible. Alors nous allons prier pour bébé Misha. C'est un garçon, c'est une femme et une fille. Misha. Et c'est Mika. Ah, le français ici. Ok. Nous allons prier pour Mika. Nous allons le recommander entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse le bénir. Prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis le nom de cet enfant. Mika, je sanctifie ton nom. Sois mis à part pour le Seigneur. Sois protégé dans ce monde à l'ombre des ailes de Jéhovah. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que la main de Dieu t'accompagne. Seigneur, merci pour les parents. Bénis-les. Donne-leur ce qu'il faut pour l'éducation, la croissance, la formation de cet enfant jusqu'à ce qu'il aura l'âge adulte et de se décider de donner sa vie au Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour encourager le bébé. Ok, nous allons donner notre offrande pour participer. Pour participer à cette grâce. Pendant que la chorale nous accompagne. Shoot, lele, shoot, lele, shoot, lele, shoot, lele. Seigneur, nous bénissons cette offrande pour cet enfant Mika. Bénis tous ceux qui ont étendu leurs mains pour le bénir. Souviens-toi aussi de leurs enfants, de leur progéniture. Au nom de Jésus. Amen. Nous comptons le recrutement des gens pour dans l'équipe des médias et des interprètes. Nous continuons le recrutement. Ok, dans l'équipe des médias, l'équipe des techniques et l'équipe des interprètes. Si vous êtes intéressé, priez de voir. Médias techniques, vous voyez l'ancien Elvis. Médias techniques, mon nom est Elvis. Interprète, vous voyez le diacre. Tafsiri, Munione, Kishaibada. Norbert. Dion. Comme ça, vous enregistrez. On va commencer à travailler ensemble. Tanjakotumika Pamoja. Moulima 30 commence le 23. Moulima 30 est en diamo, Namotare. Donc dans 20 jours exactement. Mashikumakumi Mbili. Et nous donnons le programme pour que nous puissions nous préparer. Ça sera 40 jours de prière. Du 23 novembre au 28 décembre. Le soir, nous mangeons léger. Pendant la journée, nous ne mangeons pas. Léger signifie que tu divises ce que tu manges par deux ou par trois. C'est ça, manger léger. C'est ça. Si on dit manger la bouillie, ou si vous êtes qui a bouillie, pas la bouillie. Pour arriver à la même quantité, non, c'est pas. Alléluia. Amen. Parfois, tu laisses l'organisme dans une sensation de faim. Ce n'est pas mauvais. Et nous allons passer de bons moments dans la prière. Et Dieu va nous aider. Et pendant que je préparais ça, on m'a dit, mais pasteur, le 25 décembre, le 25, on va faire une dérogation. Le 25, on va faire une dérogation. Pour que les gens ne disent pas que non, le pasteur nous a maintenus. Voilà. Non, nous mangeons léger. Mais le 25 décembre, nous levons. Le 25 décembre, le 26, le 27, le 28, nous reprenons. Donc voilà, ça sera quand même des bons moments de prière que nous allons passer. Alléluia. Amen. À la fin de ce culte, les mamans sont priées de rester ensemble. Pour une communication importante. Donc tous les départements qui ont fonctionné à l'Ikasitador fonctionnent pour Moulima. Mais cette fois-ci, c'est le diacre Guy Seba qui va coordonner. Moulima 30 2025. Parce que chaque année, il y a un programme comme ça. Et nous mettons vraiment au travail. Et ne soyez pas étonnés que nous puissions vous contacter pour telle ou telle chose. Nous allons envoyer certaines lettres à quelques personnes ou à toutes les familles pour contribuer à ce programme. Cela, c'est toujours une bénédiction. Les orateurs viennent de loin. Nous allons payer leur transport, nous allons prendre la nourriture en charge, nous allons payer leur déplacement. Je crois qu'il y a deux qui m'ont demandé si vous pouvez venir avec leur femme. J'ai dit pas de soucis. Quand quelqu'un veut venir avec sa femme, il ne faut jamais dire non. Il faut toujours dire oui. Alors, nous serons dans la joie de les recevoir au milieu de nous. Alors, je vais envoyer des lettres à tout le monde, à toute l'église. Vous allez recevoir cette semaine une lettre de demande de faire part Donnez votre contribution. Je prendrai moi-même votre contribution le dimanche. Et je prierai pour vous. Pour que le Seigneur puisse vous bénir. Et bénir vos finances. C'est très important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et la chorale doit se préparer. En prière. Et en chant. Même mes enfants de cano vocal, j'aimerais qu'ils se préparent aussi correctement. D'ailleurs, après le culte, je verrai, je crois, le coach, le frère David. Ne partez pas d'abord parce que je vais voir quelques personnes pour échanger un peu par rapport à cela. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui bon dimanche, que Dieu te bénisse. Dis-lui, ne limite pas ton miracle dans la vie. Ne limite pas ton miracle. Ne limite pas ton miracle. Le Seigneur commence à travailler pour des miracles. Nous fermons nos yeux. Père, merci. Parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu des grandes choses. Tu es le Dieu des miracles. Ça, c'est ce que je retiens. Tes miracles ne dépendent pas de notre position. Ne dépendent pas de notre statut. Quand nous crions à toi, tu fais des miracles. Et ce matin, tu nous as dit que tu feras de grandes choses. Tu veux que chacun te dise ce qu'il veut. Merci Seigneur pour ta fidélité. Bénis ton peuple. Que ta grâce l'accompagne jusque dans sa maison. Je bénis la semaine qui commence. Que ça soit une semaine bénie. Je bénis le mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de novembre. Je sanctifie ce mois. Je déclare que le mois de novembre est chargé des miracles qu'il doit libérer. Et j'ordonne à novembre de libérer les miracles de Dieu dans la vie de chacun de nous, dans la santé, dans les affaires, dans la famille, au nom puissant de Jésus. Comme la pluie est libérée du ciel, que novembre libère les miracles que Dieu a préparé pour nous. Seigneur, merci. Bénis ton peuple. Que ta grâce nous accompagne jusque dans nos maisons. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.